le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast du fan club français des New England Patriots. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle saison où évidemment on va parler des Pats, on va les analyser, on va débattre, on va réagir tout au long de la saison avec mes invités. Et pour commencer cette nouvelle saison, mes deux invités de ce soir sont Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à tous, Marcus Cannon est toujours là, on va vous accompagner dans cette épreuve. Et pour nous accompagner également, l'homme qui a du mal avec son téléphone, j'ai nommé Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir, heureux d'être de retour pour une nouvelle année. Pour attaquer cette première de la nouvelle saison, au sommaire, nous allons parler de la depth chart. Et évidemment, on va revenir poste par poste sur les joueurs qui composent les 53 en ce début de saison des New England Patriots. En deuxième partie d'émission, nous ferons une review de la saison, de savoir à combien sera en saison régulière les Patriots et jusqu'où ils peuvent aller cette saison. Et on terminera par le pronostic de la première semaine face aux Cards. Le Fan Club français des New England Patriots, épisode 14, c'est parti. Pour commencer cette review de l'effectif des New England Patriots, on va commencer par l'attaque et par le poste qui est un des plus importants, si c'est le plus important, le poste de quarterback. Comme vous le savez, Tom Brady est suspendu pour 4 matchs et c'est Jimmy Garoppolo qui va commencer. Alors messieurs, est-ce que vous pensez que Jimmy va faire l'affaire pendant ces 4 matchs pour assurer le maximum en tout cas de victoires avant le retour de Tom? Romain. Alors est-ce qu'il va faire l'affaire Oui, plus ou moins. Je pense qu'il faut simplement avoir des attentes qui sont, proportionnées au niveau de Garoppolo. Moi, par rapport à ce qu'il a montré en pré-saison, je pense que c'est un quarterback décent. Maintenant, bien évidemment, quand on perd Tom Brady pour 4 matchs, on baisse forcément assez notablement le niveau de l'équipe. Donc, je pense que déjà, si on arrive à avoir un record équilibré sur ces 4 matchs, ce sera déjà une performance respectable. Jean-Jacques Tourne. Ouais, je suis d'accord sur ce qu'il dit. Sauf que moi, je suis un petit peu plus sceptique par rapport au bilan. C'est-à-dire que j'espère, comme tout le monde, mais je suis un peu plus sceptique, mais ça ne sera pas de sa faute. Je ne pense pas que ce soit sa faute parce que on a vu sur les matchs de pré-saison, il a réussi à faire le job comme il fallait. Je pense que ça n'a pas été mauvais. Moi, j'ai vu des bonnes choses. Après, c'est sûr qu'on perd Brady sur 4 matchs. On ne peut rien y faire. Maintenant, il faut vivre avec, il faut leur faire avec. Et je pense que c'est un bon backup. Mais je ne sais pas s'il est encore prêt pour la NFL cette année. Maintenant, on va voir sur les matchs de saison et pas sur des matchs de pré-saison. Après, on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, sur mon avis sur les matchs qu'on va faire... Le bilan sur les 4 matchs qu'il va faire, on verra. Mais moi j'ai mon avis. Après, est-ce que c'est ça qui va se passer? Je ne sais pas. Moi, le problème de Jimmy, il y a deux choses par rapport à Jimmy. D'une part, si on regarde la pré-saison, il n'a pas lancé de passes longues. Donc la menace aérienne d'au-delà des 25 yards, on peut quasiment l'oublier. En pré-saison, il n'a lancé aucune passe. On l'a vu en pré-saison, Tom est arrivé, il a lancé deux premières actions, deux passes de plus de 25 yards. Jimmy n'avait pas lancé une seule. Là, il y a ce petit hic de ce côté-là. Mais même par rapport à Jimmy, à ce qu'il va faire le taf et tout, celui qui a surtout la pression, au-delà de Jimmy, je pense, c'est surtout Josh McDaniel, de savoir comment il va organiser l'équipe avec justement un quarterback, un quarterback quasiment rookie, même s'il a l'expérience de la practice squad, etc. Là, un match de saison régulière, c'est pas la même chose. Plus savoir comment... Du coup, pour le soulager, comment il va utiliser le running, et ça, on va en parler après, je pense qu'il y a aussi quelques manques. Donc, il y a tout ça, ça va être un vrai défi pour lui. Au moins, on sera fixé très vite si Jimmy sera capable par la suite d'assurer à un moment donné la succession de Tom quand elle arrivera. Ou sinon, si au bout de ces 4 matchs, bah, on voit qu'il ne fait pas l'affaire et ça, il partira sûrement en trade à la fin de la saison. Donc je pense qu'il est au pied du mur lui aussi. Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est un peu un point d'interrogation. À savoir aussi comment Josh McDaniels va l'utiliser. Ouais, je suis d'accord. Après, bon, il avait pas. Enfin, sur la pré-saison, on n'a pas vu toutes les armes que l'offense a son potentiel, en fait. Parce que, il y avait, mis à part la moitié des tight ends, la moitié des receveurs, on avait beaucoup de manques, je trouve. Enfin, moi, j'ai trouvé hein, par rapport à la pré-saison. Mais moi, je pense que c'est plus la pression des matchs de saison qui va lui porter tort. Ça va être plus difficile, ça, à gérer que les armes qu'on a, parce que les armes, on les a, je pense. Ouais, je vous trouve un peu dur quand même avec lui. Pourtant, je suis pas particulièrement fan, mais le fait est que sur la polémique des passes longues, malgré tout, bah, Garoppolo, il appelle les jeux qu'on lui dit d'appeler. Donc, si à un moment donné, Bill préfère appeler des jeux courts ou intermédiaires avec lui, bah, il est quand même bien obligé d'appeler ces jeux-là. Et après, je rejoins Jean-Jacques sur le fait que bah, moi, j'attends de les voir avec vraisemblablement leur formation normale, c'est-à-dire avec Gronk d'un côté, Martellus Bennett de l'autre. Je pense que là, on n'a pas forcément besoin de balancer des bombes pour être dangereux. Et je pense que c'est sur ce type de formation qu'on va s'appuyer particulièrement avec Garoppolo, puisque justement ça permet d'avoir des cibles qui sont à courte distance et donc de le mettre en confiance. Je pense que c'était justement le but de la pré-saison. Je pense que de toute façon, oui, le jeu des Patriots va s'orienter beaucoup sur des zones en dessous des Vaillards. De toute façon, quand on a deux gros tight ends que sont Gronk et Martellus Bennett, quand on a des mecs comme Hogan, Edelman, Amendola qui sont des receveurs justement qui sont plus dans des entre guillemets courtes distances ou des courses intermédiaires. De l'autre côté, on a en running back aussi, quand on a du James White, quand on a DJ, le quatrième running back aussi, qui est plutôt un running back de passe courte. Ah, Foster. Foster, voilà, merci. C'est là où il va falloir vraiment faire attention, que ça va être un jeu plutôt assez court. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, en pré-saison, quand Brady avait le jeu en main, il forçait encore ses passes sur les passes longues, pointé sur le bord extérieur droit, il me semble, en plus, à chaque fois. Et il est forcé à chaque fois, il en a loupé 2-3. Et pourtant, ce n'est pas ça qui marchait le plus. Hein. Donc, quelque part, est-ce qu'on ne devrait pas jouer, comme ils disent, plus court, avec des courses un peu plus intelligentes, et voilà, que chercher de la passe longue, comme si c'était du bombardement. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Et je pense que ça marchera mieux avec du Garoppolo comme ça, qu'à chercher les passes super longues qui ne marcheront jamais avec Garoppolo. Quoi. Donc pourquoi chercher? Ah oui, non, mais après je pense que la manière dont on a joué en pré-saison détermine pas forcément la manière dont on va jouer en saison régulière non plus. Hein. Aussi. Je pense que c'est un peu le laboratoire, quoi. C'est une question, à mon avis, le fait que Tom ait lancé des passes longues, c'est juste une question d'ego en disant voilà, moi j'ai lancé des passes longues que Jimmy sait pas faire. Je pense que c'est aussi une question d'ego et pour rappeler qui c'était le patron. Tout simplement. Je sais pas s'il y a vraiment une compétition entre eux. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une compétition. C'est pas une compétition, c'est juste l'ego de Tom. Ouais, tu crois? Il n'y a pas de compétition, il sait qu'il est plus fort. Et Jimmy le sait aussi. C'est juste une question d'ego. Tu vois, mais je pense que c'est peut-être pas une compétition ou d'ego par rapport à Garoppolo, mais je pense que c'est par rapport à la Ligue. Tu vois, le fait que ce qui se passe cette année-là et qu'il soit suspendu 4 matchs, il a montré un petit peu ce qu'il savait faire et il a dit... Quand je vais être de retour, c'est comme ça que je vais jouer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, en fait. On verra bien quand on jouera les Browns, quand il sera de retour de suspension. Ouais, c'est vrai. Donc, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, les running backs. Alors, les running backs, il y a un peu de sujets hein, pas compliqués, mais à mon avis, il y a vraiment une question à se poser. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On a beaucoup de running backs, on va dire spécialistes en réception, plus qu'un vrai running back de puissance. Au final, on n'a que LeGarrette Blount qui est vraiment un running back de puissance. On avait Gaffney. Gaffney a été cuté, puis après revenu en IR. C'est un peu ce point d'interrogation en disant on n'a que LeGarrette Blount, donc on va encore toujours s'orienter par quelques courses d'un ou deux yards de temps en temps et pas s'appuyer pour justement aussi soulager notre quarterback par rapport à la ligne offensive sur un jeu de course. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce manque qu'on a oublié de combler, Romain? Effectivement, on n'a que la Garrett Blount, et effectivement, vu ses blessures, notamment à la hanche la saison dernière, on est en droit de s'inquiéter là-dessus. Maintenant, c'est ce que je te disais d'ailleurs hors antenne, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a pris un running backup Bishop Sankey et qu'on l'a signé en practice squad, c'est justement pour essayer de voir d'autres joueurs et de se donner d'autres possibilités. Maintenant, c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'on a des running backs qui se ressemblent beaucoup. Et Bolden, DJ Foster, enfin DJ Foster je le connais moins, mais Bolden White, c'est un peu le même joueur. Après, on a Devlin qui est plutôt un fullback. C'est vrai que c'est pas très divers. Et bon, les deux faiblesses en attaque de l'équipe de la saison dernière, c'est-à-dire le running game et la ligne offensive, je trouve que, et on y viendra tout à l'heure, les deux persistent un petit peu pour moi. Chaque année, on se plaint de ça. À chaque fois, on se plaint de notre faiblesse sur la course au sol, sur du 10 yards. Allez, on va chercher court quand même, parce qu'on va pas chercher du 30 yards. On n'a pas l'équipe pour, de toute façon, et on joue pas comme ça. Mais c'est vrai qu'on a pratiquement que des running qui savent courir latéral et qui reçoivent des ballons, la plupart. C'est pas une mauvaise chose par rapport au jeu qu'on envoie, parce que bon, on sait très bien notre jeu, c'est un jeu aérien la plupart du temps. Pourquoi pas en soupape, ça peut marcher. Après, on a du Blount qui est là, qui fait le taf sur du 1 yard, 3 yards, 5 yards maximum. Parce que c'est pas lui qu'on va demander de gagner du 30 yards. Hein. On lui a jamais demandé de faire ça, et s'il le fait, c'est vraiment un miracle. Mais après, il y a un petit truc qui va arriver cette année, qui n'était pas là l'année dernière, c'est Devlin. Celui que tu parlais tout à l'heure, c'est un fullback. Il a énormément manqué l'année dernière. Et je pense que grâce à lui, s'il ne se reblesse pas ou s'il se passe. Si tout se passe bien, en fait, ben je pense que grâce à lui, on va gagner beaucoup plus de yards au sol. Après, c'est même une certitude. Mais tant qu'il ne se reblesse pas, parce que ce qu'il a vu l'année dernière, ça lui a quand même coûté la saison complète. Maintenant, on va voir s'il est de retour en forme et si ça marche. Moi, en pré-saison, j'ai regardé un petit peu. Ça avait l'air de tenir et que c'était correct, ce niveau jeu. Donc bon, on verra. Mais ouais, niveau course, c'est pareil que toutes les années depuis bientôt 10 ans. Voilà, ça ne change pas. C'est malheureux. On ne drafte pas un top running back parce que je pense qu'on n'en a pas besoin encore. On verra bien le reste de la saison. On va passer rapidement sur les receveurs et les tight ends. Je pense pas qu'il y a grand chose à dire. On a gardé à peu près la même ossature avec en receveur l'arrivée d'Hogan. Et puis on a deux gros monstres au niveau des tight ends. On en a déjà un peu rapidement parlé. Il y a l'arrivée aussi des J.Derby qui a fait une bonne pré-saison. J'ai adoré. Franchement, c'est le joueur que j'ai adoré sur la pré-saison. Et j'ai appris en fait que c'était pas un receveur et que c'était un tight end. Que c'était pas un receveur. Ça peut être pas mal, il y a le petit Malcolm Mitchell qui va faire son trou aussi, je pense, petit à petit, en receveur. Romain, ton avis rapidement sur les receveurs et les tight ends? Moi, jusqu'à sa blessure, j'aimais bien ce que montrait Malcolm Mitchell, le rookie qu'on a drafté, je crois, au quatrième tour. Sur AJ Derby, ouais, effectivement, c'est plutôt convaincant. Après, ce qui risque de jouer contre lui cette année, c'est que bah, justement, c'est un tight end. Donc, est-ce qu'on va vraiment être capable de monter beaucoup de sets avec trois tight ends? Ça commence à être un petit peu lourd en affichage. Donc, je sais pas si malheureusement il va pouvoir jouer beaucoup. Ben, moi, je pense, tu vois, que c'est un tight end de formation, mais pourquoi pas le passer en receveur? Parce que non, franchement. Même comme tight end, on a déjà vu des équipes, je pense à Cincinnati notamment, qui l'an dernier jouait des sets avec trois tight ends. C'est très peu court. Ça va arriver combien de fois ça dans la saison? Ça va arriver trois fois dans la saison et encore. Après, globalement, on sait bien que sur Gronk et Bennett, il y en aura forcément toujours un des deux qui sera plus ou moins plutôt voilà. En position de receveur. Donc à partir de là, on peut dire qu'il peut glisser, mais je sais pas. Je sais pas si vraiment la pré-saison est de ce point de vue-là une bonne. Un bon indice sur le fait qu'il va jouer. Ouais, peut-être pas. Ça va. Non, je pense qu'il va faire son trou petit à petit. Il va apprendre derrière Gronk et Bennett et il fera son trou pour l'année prochaine. Je pense qu'il est là pour une année à apprendre et après, je pense que ça sera par la suite où justement il pourra, il sera plus performant l'année prochaine, à mon avis. Là, il va, je pense, apprendre. Parce qu'on va faire beaucoup de sets à deux tight ends, et de temps en temps, il va venir en remplacer un. Parce que autant on l'a vu à la passe, est-ce qu'il va être bon aussi en bloc? C'est peut-être là aussi un peu son point faible. Donc je pense qu'il est là pour apprendre et il va faire une bonne année, une année derrière. Là, il est vachement plus léger, quoi. Il est vachement plus léger que Gronk ou Bennett. Donc je pense que ouais, je le verrais plus en hybride, tu vois. Mi-tight end, mi-receveur entre les deux, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais bon, après. Bon, on verra ce que ça va donner. On a hâte de voir ça. Et maintenant, on va attaquer la deuxième gros morceau de l'attaque des New England Patriots, la ligne offensive. Et puis surtout, un homme qui a quand même stigmatisé pas mal de critiques en fin de saison dernière. Il est de retour, il a vaincu toutes les critiques. Il a été en amélioration, en tout cas pendant la pré-saison. L'homme, il est de retour, tel Dak Vador. Un des joueurs préférés de Romain, j'ai nommé évidemment Marcus Cannon, qui jouera en tant que titulaire normalement en right tackle. J'en pense toujours autant de mal. Non, je sais pas ce que je peux vous dire. J'avais nourri l'espoir secret qu'on s'en débarrasse. Malheureusement, on n'a pas réussi ou on n'a pas voulu, je sais pas trop. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, on a également Vollmer qui est blessé. Donc, Marcus Cannon se retrouve tackle droit titulaire. Je suis clairement pas rassuré. Moi, il m'a rien montré jusque-là qui me prouve qu'il peut être ne serait-ce qu'un tackle droit passable dans cette ligue. J'espère qu'il va me donner tort. Mais à ce stade, c'est vraiment le côté droit qui m'inquiète pas mal. Après, pour ajouter aussi, il y a en plus, en temps de départ... Alors après, quels sont les réseaux, je ne sais pas, mais il y a aussi le départ de Stoke qui a été coupé. Alors après, je pense que c'est plus dû à des problèmes de santé, mais que lui aussi aurait pu jouer right tackle, qu'il a joué à un moment right tackle pendant quasiment plus de 6 semaines la saison dernière, quand Andrews était titulaire, en partie. Et puis Andrews a été écarté pour dont c'est quelle raison, après un match où il est passé au travers, je crois que c'est contre les Dolphins. Donc bon, Jean-Jacques, un peu ton avis sur cette ligne offensive. Oh là là. Oh mon Dieu, je pense qu'on va encore gueuler cette année. Et je le pense parce que ça soit en right tackle ou en left, ça va être la même chose des deux côtés. Enfin non, en guard, pardon, en left guard. Mais franchement, de mon avis, on ferait mieux maintenant de mettre Fleming de suite en titulaire. Les deux se valent, hein. Les deux se valent, hein, entre Cannon et Fleming. Mais je pense pas que Fleming fasse autant de bourdes qu'a fait Cannon l'année dernière, quand même. Oh bah, je pense que de toute façon, si Cannon joue comme on sait qu'il est capable de jouer, Fleming va arriver sur le terrain assez rapidement. Voilà, mais c'est ce que je pense. Moi, c'est ce que je pense. Après, je me dis que ils peuvent pas le cutter, parce que s'ils le cutent, ils ont rien derrière. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas possible. Ils ont cutté d'autres personnes qu'ils auraient peut-être dû garder. Mais après, peut-être qu'ils avaient déjà payé pour, je sais pas. Ils voulaient revenir sur investissement, je sais pas. Oh, je pense qu'ils sont capables, les Patriots, d'aller monter un trade si vraiment ils sont vraiment en manque de tackle, d'aller chercher, je sais pas, filer qui se débarrasse de tout le monde peut peut-être espérer un tackle s'il est correct. Enfin, je pense qu'ils sont capables de monter un trade. Joe Thomas qui part de Cleveland. C'est ça. Ouais, non. Moi, mon gros point d'interrogation, c'est quand même, bon, avec le départ récent de Clint Josh. Je me demande qui on va mettre en left. Parce que bon, en qui left. On a d'autres. Garde en left guard, ouais. Qui on a d'autres Shaq Mason. C'est Cooper et Mason à gauche. Mason à gauche, Cooper à droite. Tu as Mason ou alors tu as Joe Tunney. Alors, non, mais c'est, a priori c'est Mason. Enfin, de ce que j'ai vu pour le moment. Mais Mason... Moi, je suis pas convaincu encore. Faut voir. Moi, j'ai jamais été déçu de Clean. Je sais pas pourquoi il le cut. Je sais pas. Parce que bon, j'ai jamais été vraiment déçu de lui. Il m'a jamais fait remarquer quelque chose de vraiment de... Ou alors c'était peut-être que le left tackle faisait vraiment bien son boulot et donc il se passait rien de ce côté-là. Enfin, je sais pas. Mais quelque part, je sais pas. Le départ de... À mon avis, ça sera Mason. Et moi, j'exclus pas totalement que l'Adrian Waddle qu'on a acquis de Détroit, je crois, ouais, l'an dernier, et qui est ouais, aujourd'hui le backup de Solder en tackle gauche. C'est ça. Moi, j'exclus pas que Waddle vienne dépanner côté garde gauche si vraiment on a un gros souci. Mais je pense qu'il va donner sa chance à Mason dans un premier temps. Donc tu penses que la ligne complète, ça serait donc Cannon, Solder, alors, de gauche, Cannon, de Cooper, droite, ouais, Solder, Mason, ouais, David ouais, Andrews, Cooper oui, et Cannon. Ouais, voilà, ben c'est ce que je pensais aussi. Mais voilà, je pense que voilà, c'est ça qui va se passer. Mais après, je pense que ouais, Waddle peut faire quelque chose aussi. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. On va bien voir. Ouais, ben. On va bien voir. Je pense que Joe Thuney va aussi, à mon avis, rentrer rapidement sur le terrain parce que Cooper, j'ai quelques doutes sur sa capacité. Il revient de blessure et tout. Est-ce qu'il va être capable de revenir? Donc je pense que Thuney va être de retour. Et moi, par contre, Romain, autant j'exclus pas que Waddle joue, mais je pense que Waddle peut jouer surtout de côté droit. Je ouais, pense qu'il ça sera tacle droit, ouais. Tacle droit. Soit Waddle, soit Solder. Il y en a un des deux qui va passer tacle droit assez rapidement. Après, du peu que j'en ai vu jusqu'à présent, Waddle, j'ai jamais trouvé très convaincant. Donc généralement, tu sais, c'est la solution. Souvent, c'est quand t'as un tacle un petit peu raté, tu l'essayes en garde parce que tu te dis tu peux avoir une bonne surprise. Mais ouais, mais le poste de droit et le poste de gauche, ça a rien à voir. Le truc, c'est bah, ça. C'est comme être devant un miroir, c'est-à-dire que tu dois tout désapprendre et tout refaire à l'envers, quoi. Déjà d'un et de deux, et même le côté gauche, il est plus difficile que le côté droit, quoi. C'est de moins en moins vrai, ça, tu vois, parce que effectivement, traditionnellement, le tackle gauche, c'est normalement le plus dur, puisque c'est le blind side, enfin, c'est le côté aveugle, puisque la plupart des lanceurs sont droitiers. Mais en fait, de plus en plus, on se rend compte que j'avais vu des stats là, que j'ai pas sous la main, mais notamment de Pro Football Focus l'an dernier, qui disait qu'en fait, la pression venait de plus en plus souvent du côté droit, justement. Donc, c'est vraiment important, et le fait qu'on ait un très bon tackle gauche en Solder, sera peut-être pas suffisant alors que ça l'aurait peut-être été il y a 4-5 ans, quoi. Ouais, pourquoi pas. Mais peut-être parce qu'aussi ils ont fait que maintenant les linebackers qui sont en face sont beaucoup plus rapides et moins costauds, en fait. Je pense aussi. Oui, non, bien sûr. On a de plus en plus de joueurs, on va dire, dits hybrides, c'est-à-dire un mec qui est pas vraiment un linebacker, pas vraiment un safety, qui est juste quelqu'un qu'on peut déplacer un petit peu où on veut côté défensif, et du coup qu'on utilise pour généralement être le rusher de plus, c'est-à-dire celui qui va être capable de faire le tour, en fait, en courant. Bah écoutez, ça va être une des affaires à suivre pendant cette saison. De toute façon, c'est en ligne offensive, que ce soit Tom ou que ce soit Jimmy, on pourra absolument rien exploiter, on pourra vite prendre le jus. On l'a vu en playoff la saison dernière. Ben écoutez, merci messieurs, et nous, on passe à la défense. Donc voilà, on a parlé de l'attaque, maintenant on va parler à la défense. Alors, on va parler tout de suite d'un des postes qui nous manquait énormément la saison dernière, qui nous faisait défaut, en tout cas qu'on a beaucoup suivi, qui est mené en partie par Butler et par un des joueurs préférés de notre cher président, qui est Logan Ryan, plus l'arrivée cette saison d'un petit nouveau qui a même pas une journée, Eric Rowe, qui vient de Philly via le trade. Alors messieurs, est-ce que ce corps de cornerback vous rassure-t-il pour la saison à venir? Ouais. Plus que la ligne offensive, ce qui veut pas dire beaucoup. Je dirais côté corner gauche, je suis très très satisfait de la saison de Butler l'an dernier. Je trouve qu'il a montré de belles choses et je pense que ça va se transformer pour lui à la fin de l'année en beau contrat. Donc je pense que en ce qui concerne le poste, on va dire entre guillemets, de corner numéro 1, il devrait le tenir sans trop de problèmes s'il n'a pas de pépin physique. Après, la question elle est à droite. Comme le président, je ne suis pas du tout convaincu par Logan Ryan. Si on a drafté Cyrus Jones, c'est entre autres pour lui mettre un peu de pression. Et je pense que justement, si on fait venir Eric Rowe, c'est là aussi pour mettre de la pression de ce côté-là. Alors après, je ne sais pas trop comment on va s'organiser. L'idée, c'est que Ryan comme Cyrus Jones sont des corners un peu plus petits. Les deux font moins d'1m80. Cyrus Jones, lui, fait, je crois, autour d'1m85. Donc, une taille un peu plus importante, ce qui est pas mal, puisque la plupart des receveurs stars sont, eux, assez grands. Et je pense que l'apport d'Eric Rowe, si par hasard on arrive à l'insérer un petit peu au fur et à mesure, peut être déterminant pour notre secondaire. Enfin, après, ce n'est que la pré-saison, mais j'ai quelques doutes sur ce Cyrus Jones. Je sais pas, je l'ai pas trouvé. Alors, il a été pénalisé, mais je l'ai pas trouvé pour montrer convaincant. Alors, après, c'est qu'un rookie, donc je pense qu'il va se faire petit à petit aux joutes de la NFL. Mais j'attends de voir un peu plus. J'attends de voir, je suis pas si convaincu que ça. Et j'espère, Butler qui a fait une très bonne saison, et j'espère surtout aussi qu'enfin, il soit récompensé de ses efforts en termes de turnover. Parce qu'il est sur les actions et sur les joueurs. S'il pouvait encore faire plus de turnover, parce qu'il lui manque à chaque fois pas grand-chose. J'espère qu'il aura ce petit coup de chance qui fait que qui fera des interceptions en plus. Jean-Jacques, ton avis? Ouais, ça va être son année, je pense. Je pense que c'est l'année de Butler. C'est l'année de la consécration. La première année, c'est la révélation. L'année dernière, il a confirmé. Et là, maintenant, c'est la consécration, je pense. Je pense que il est sur la pente montante. Et je ne sais pas où ça va s'arrêter, en fait. Et tant que ça montera, ça va être tout bénef pour nous. Après, il faudra que les autres s'en inspirent. C'est-à-dire que sur John Cyrus qui vient d'arriver, on va voir. C'est-à-dire que moi, comme je t'ai dit, comme j'ai vu... Et comme on a vu, on n'a pas vu grand-chose de lui pour l'instant. Mais comme on dit, c'est un rookie. Il faut attendre à voir la mi-saison et on fera un bilan à la mi-saison, je pense. Après, il y a le petit arrivé d'Eric Rowe qui peut apporter un plus comme ne rien apporter du tout. C'est un deuxième tour, donc ça veut dire qu'il a des compétences et des capacités que d'autres n'ont peut-être pas. Il faudra voir. Mais pour en revenir à Logan Royan... C'est comme chaque année. On avait lui et on s'en servait parce qu'on n'avait rien d'autre. Maintenant, est-ce que avec ce qu'on a derrière, ça va monter ou rester comme c'était l'année dernière? On verra. Il y a toujours McCourty, il y a King qui peut être sympa aussi. Mais bon, ça c'est un peu plus derrière, c'est plus en safety et plus en... Donc, je sais pas. À voir, sachant qu'Eric Rowe a cette double capacité de pouvoir jouer et corner et safety. Donc à savoir à quelle position ouais. Il va jouer, est-ce qu'il va jouer safety, est-ce qu'il va jouer corner, ça va... Je pense que safety, je pense que les postes sont déjà, avec Chung et McCourty des deux côtés, je pense que, ouais, je pense pas qu'on en ait besoin en safety, plus en corner. Tu penses que Chung est inamovible, toi? Il est pas inamovible, mais bon, il fait le taf. Moi, je l'aime pas trop par rapport à certains trucs. Mais après, ouais, non. Je sais pas, non, moi je pense que dans le secondaire, il y a deux places à prendre, c'est celle de Ryan et celle de Chung. Pour le moment, effectivement, les deux font plus ou moins le taf, mais je pense qu'aucun des deux n'est vraiment... Le problème de Chung, installé comme le sont McCourty et Butler. Je trouve qu'il ne fait pas des bonnes poursuites. Après, quand il y a du rush en course, il fait le taf, mais c'est vraiment le meilleur sur ce poste-là. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas poursuivre. Et c'est ce que je lui reprochais tout le temps. C'est gênant pour un safety. C'est qui est gênant pour un safety, c'est ça. C'est-à-dire que s'il avait un autre gabarit, je pense qu'il aurait été meilleur en linebacker. Mais bon. Mm-hmm. Mais malheureusement, non. Mais ouais, oui, tu dis qu'il y a le poste à prendre en safety. Ouais, pourquoi pas, mais tant qu'il fera le taf, ce sera lui. Non, mais je trouve que la polyvalence de Rowe est intéressante parce qu'effectivement, des fois, on peut montrer. Ça peut nous permettre de montrer des fronts. Non, et puis des fois, enfin, on l'a vu, des fois, on aime bien jouer sur des snaps à 3 safety. Ouais. Si tu joues avec 2 corners de safety et Rowe, dont on ne sait pas trop où il sera positionné, justement, ça peut montrer des fronts défensivement assez intéressants. Quoi. Ouais, pourquoi pas. Ça va être une des choses à suivre, de savoir un peu comment tout le monde s'adapte et quelles sont les performances, que ce soit de Logan Ryan ou du rookie ou du nouveau joueur en provenance de Philly. Alors, on va passer rapidement sur une de ces grosses satisfactions, je pense, à mon avis, de cette défense. C'est notre corps de linebacker. Hightower, Shear, même si c'est plus, il a pu jouer, je pense, directement sur la ligne. Le joueur Mingo qu'on a drafté des Browns. On a un corps de linebacker, messieurs, à en faire, je pense, envier toute la ligue. On est quand même extrêmement performant de ce côté-là. Je pense qu'on a l'un des meilleurs rosters de linebackers de la ligue. Je pense. En termes de... Pas de all-star, tu vois. On n'a pas des stars complètes, dire lui, c'est le meilleur. Non. Mais on en a quatre qui font le taf, mais à merveille. C'est-à-dire que tiens, Mingo, Hightower, Frenny, Collins, les quatre ensemble, ça peut faire un carnage. Un carnage. Si on est, enfin, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est quand tu dis on n'a pas de star absolue. Pour moi, la star absolue, c'est Jamie Collins, quoi. Ouais, enfin, mais c'est de mon point de vue. Alors, Hightower est très fort, hein, mais... c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Collins, pour moi, est un des 5-6 meilleurs joueurs défensifs de la ligue. Ouais, mais il est pas reconnu par son talent par rapport à d'autres qui dans la ligue. Ben, tu en parles, tu dis voilà. Non. Je trouve qu'il a pas le statut de All-Star, tu vois. Il a le talent. Attention, hein, le talent il a. Mais il est pas encore reconnu, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que cette année là, avec une année à je sais pas combien de sacs qu'il va faire, j'espère qu'il dépassera les 10 voire même 15, ça serait bien. Eh ben peut-être que ça sera l'année de dire voilà. Lui, il fait partie des plus que pro bowler, tu vois. Bah écoute, quand tu dis il est pas reconnu, je suis pas forcément d'accord parce que je veux dire l'année dernière il fait le Pro Bowl, il est All Pro, enfin il est dans la deuxième équipe All Pro, enfin ça veut déjà dire que ouais mais tu vois dans tout ce qui est médias et tout peut-être dans le nous parce qu'on fait partie des fans du fan club des Patriots, mais en dehors de ce groupe et de la ligue, on va dire ça comme ça. Ouais. Il n'est pas reconnu par rapport à tous les fans de NFL, je pense. Ben, je sais pas. Hein. Peut-être c'est l'impression que j'ai par rapport à. Ouais, j'ai pas cette impression. Ouais. Je suis en train d'essayer de regarder. Je suis pas encore dessus, mais je suis en train d'essayer de regarder si on a les pronostics sur Defensive Player of the Year pour voir s'il est dessus, mais ouais, pas sur le site où je suis. Mais, pour moi, c'est vraiment, vraiment un des top joueurs défensifs. Ah oui, oui. C'est le top joueur défensif de notre défense. C'est-à-dire que, voilà, c'est celui qui va faire le plus de sacs cette saison, je pense. Mais après, ouais. Après, je sais pas. Il n'y a pas de hype autour de lui. Sur les sacs, je suis même pas sûr. Je pense que tu peux. S'il a les snaps, je pense que Shield peut faire une énorme saison. En termes de sacs. Ah, ouais, de toute façon, vous parlez des sacs, évidemment, c'est ça. On en vient à la partie des defensive end, où là, ben, avec le départ de Chandler Jones et son nombre de sacs qui était au-dessus de la dizaine, ben, il va falloir à un moment donné les remplacer, les combler. Donc, ça soit effectivement Jamal Chairs, ça va être d'autres joueurs qui vont devoir se révéler ou qui vont devoir faire le taf. Chris Long, il y a aussi lui, je pense qu'il va être énormément attendu. Il a qu'un an, est-ce qu'il va être capable de revenir le Chris Long à un très haut niveau, ou ça va être un Chris Long des Rams, un mi-fig, mi-raisin. Ça va être des choses comme ça qu'on va attendre de cette saison pour savoir ben justement que cette ligne soit performante. Ben, le truc, c'est que ben, on va voir sur les quatre premiers matchs, je crois, puisqu'on a Nikovic qui n'est pas là. Donc on va le voir sur les premiers matchs de toute façon, parce qu'il risque d'être placé titulaire de suite, à moins qu'il mette Flower. Non, le il sera titulaire. Enfin, en tout cas, moi, la liste que j'ai, c'est Long et Sheard titulaire avec Trey Flowers en numéro 3. Ouais, c'est ça. Ben, c'est j'ai les mêmes trucs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu mettrais Chris Long à gauche et à droite Sheard. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai les mêmes trucs. Et après, en soupape, mettre Mingo. Mingo, il est plutôt linebacker que des... en droite. Il est plutôt outside linebacker, ouais. Ouais, bah oui, bah oui. D'ailleurs, Mingo, enfin, de ce que j'en ai vu, moi, je pense que, alors effectivement, c'est plutôt un bust pour le moment, étant donné que c'était, je crois, un 5 ou 6e choix de draft. Mais je pense qu'il quatrième, je crois, quatrième. Le potentiel, il est là. C'est quelqu'un qui a fait une carrière de collège extrêmement intéressante et je pense qu'il peut vraiment se révéler. En tout cas, si quelqu'un peut le mettre en situation d'avoir du succès, c'est bien Belichick et son système défensif. Vu qu'il y a le retour de notre coach de ligne, Ouais, que j'aime Skarnecker. bien, Karnicka, qui fait un taf monstrueux, qui a toujours fait un taf monstrueux, je pense qu'avec lui, il va pouvoir progresser, ouais, je pense. Je pense qu'il a de quoi vraiment faire une vraie bonne saison, quoi. Et puis bon, c'est un ancien de Je pense qu'il LSU, peut l'être. donc forcément je le soutiens. Je crois d'ailleurs que LSU est passé un peu au travers en cette première journée de NCAA, je crois. Ça coupe, je ne t'entends pas, Cédric. Il me semble qu'ils se sont fait buster. Enfin, Je passe sous un tunnel, ça coupe. Non, mais ça va être des choses intéressantes. Le Valentine aussi sur la ligne défensive, je pense, va être intéressant. Le rookie qui a fait de bonnes choses. On va voir s'il a passé le cap des matchs de la saison régulière, mais je pense que ça, il peut faire des choses intéressantes. Je pense que cette ligne offensive et ce corps 7, je pense qu'il est plutôt assez intéressant. Donc on va s'attendre surtout effectivement à la partie defensive back qui va être un peu plus hasardeuse. Mais je pense que sur la ligne défensive, j'ose espérer que cette année, ça va être l'année de la confirmation. Il y a quand même quelques joueurs, que ce soit Collins, que ce soit Hightower, qui sont fin de contrat, ils vont vouloir aller chercher le Big Mago à la fin de la saison. Butler, ça va être pareil. Ah, ça va faire monter notre salary cap, ça, tout ça, dis donc. Ah, je pense que ça va être. Ils vont faire une grosse saison pour aller chercher le gros Mago. Ils sont dans C'est une ça, année. ouais. La dernière année de contrat, en général, c'est les gens où ils s'arrachent pour être hyper performants pour aller chercher l'argent derrière. Donc, à voir maintenant après comment tout ça va se passer. Mais je pense que sur la partie défensive, j'ai moins d'inquiétude que l'attaque et cette ligne On offensive, a en tout cas. en tout cas le potentiel d'avoir une unité qui sera probablement dans les 4-5 meilleures défenses de la NFL. Oui. Oui. Par contre, là, ce que je voulais revenir sur un point par rapport à la saison précédente, on a eu une draft sans premier pick. Est-ce que vous trouvez que par rapport à l'année dernière, on a beaucoup moins d'attentes sur les rookies? Moi, je trouve qu'on a moins d'attentes, c'est-à-dire qu'on les laisse faire, c'est-à-dire qu'on a moins de hype sur dire. Ah, on a le top rookie cette année, il va falloir qu'il cartonne. C'est un truc Est-ce que général. C'est-à-dire qu'on. on n'a pas d'impact player dans les rookies, quoi? Voilà, c'est ça. Et Est-ce ça que laisse couler. les Patriots sont la Est-ce que les Patriots ont l'habitude pour autant d'avoir des impact players rookies tout de Non, suite mais ultra performants de ces dernières j'attends années? toujours du premier pick qui soit performant, qui soit rentable, en fait, directement. Et là, comme on n'en a pas eu, je trouve qu'on n'en a pas eu besoin, en fait. Oui, mais tu regardes l'année dernière, Malcolm Brown, on en disait c'est parce que c'est Big Vince, il doit le remplacer. Mais au final, on savait très bien que c'est quand même des jeunes rookies qui ont besoin de se mettre en Ouais, place. Alors, en général, même si c'est un premier tour, c'est un fin de premier bah, c'est tour. toujours Donc, des fins de premier tour pour nous, malheureusement. c'est. Voilà. Donc, Ou c'est. Enfin. heureusement, je dirais plutôt même. Je dirais on n'aurait pas la même attente si vraiment on était dans le top 15, où là, effectivement, on attendrait d'avoir un joueur qui soit extrêmement performant tout de Oui, suite. mais j'espère Là, qu'on ne le vivra les pas. Patriots, on va dire que les Patriots, ils ont plus tendance en ce moment à être hyper performants sur les rookies non draftés que sur les rookies C'est draftés. ça. C'est ça. Mais là, on a moins d'attentes par Quand rapport à on l'année dernière. échange à chaque fois notre premier pick pour avoir des picks en plus en bas de draft. C'est ça. Bah, de toute façon, c'est pas vraiment un premier pick, hein. De toute façon, c'est vraiment un début de deuxième, presque limite, quoi. Non, mais en général, de toute façon, Bill, il est là pour accumuler les tours, C'est donc. ça, ouais. Il n'y a pas d'attente spécifique, c'est juste que voilà, on a pris le risque de drafter un corner. Enfin, pris le risque. On a drafté un corner, donc on espère qu'il soit un peu performant, parce qu'effectivement, on en a parlé, Logan Ryan, c'est limite. on verra l'année prochaine, je pense. On Après, a c'est. y a on a l'air Malcolm Michel a l'air d'être un bon rookie au niveau de la draft. Après, voilà, Foster, c'est non drafté. D'autres qu'on a encore qui sont nous qui viennent de non drafté. Donc, et Jay Derby, je crois que c'est non drafté aussi. Au final, Butler, c'était un quoi? C'était un non drafté. Logan, c'était un quatrième tour, je crois. Enfin, la plupart du temps, on est meilleur sur le non drafté. Donc, moi, la draft des Patriots, j'attends pas C'est ça. grand-chose. J'attends bah, un moment qu'on tombe sur des bons joueurs. Oui, ben, quand on a eu Collins, Hightower, là, oui, c'était de bons joueurs. Ah là, on a eu de la chance. Enfin, de la chance. Qu'ils descendent aussi bas, oui, Ouais, tant mieux, c'est ça. c'est C'est certain. ça. On le voit cette saison. Maintenant, c'est pas là où en général où les Patriots font la différence. Non. C'est ça. Mais là, cette année, encore moins. C'est-à-dire qu'il y a encore moins de hype sur ça. Je la ressens Bah, pas, en fait. je vais être pas méchant, mais je veux dire, on est tellement sur certains postes, on a tellement de lacunes, on a un niveau tellement bas qu'on peut que s'améliorer. Donc que tu tombes C'est sur que tu tombes. un peu dur quand même, non? On reparle du tackle droit ou comment ça se passe? Enfin, non, mais c'est. Il y en a certes. Tu veux que je me fâche, c'est ça? Non, mais. Sur certains postes, c'est pas non plus. Enfin, voilà. On a les corners, ils ont minimum fait le taf. Voilà, cette saison. En fait, il y a tellement une grosse lacune la saison dernière. Avec Cannon qui a stigmatisé un peu tous les problèmes des Patriots. Donc, tous les autres problèmes. Cette saison, bah oui, on a ce problème. La seule chose qu'on attend, c'est surtout la ligne offensive qu'elle marche, quoi. Et c'est là. Après le reste, bah, les rookies, s'ils marchent, tant mieux. S'ils font une saison pour qu'ils s'adaptent et qu'ils performent après, bah, tant mieux. De toute façon, si la ligne offensive, elle explose, de toute façon, la saison, on peut la mettre quasiment à la poubelle. Et autant que les rookies jouent pour qu'ils soient meilleurs la saison prochaine. Donc ça va vite être réglé sur la capacité des Patriots par rapport à cette ligne offensive qui va, je pense, tenir. Pas la saison des Patriots, mais si on veut aller loin et si on peut s'attendre à aller chercher le Saint Graal ou pas du tout. Donc ça va être à voir. Mais c'est pour ça, mais les rookies, pour le coup, non, je pense qu'au contraire, on a le temps. En une année où on va avoir besoin de rookies la saison prochaine parce qu'on va signer des gros contrats, donc on va se séparer obligatoirement de certains joueurs, entre guillemets, intermédiaires. Donc ils ont toute une année positive pour eux, sans pression, pour pouvoir se former et être prêts pour la saison prochaine, où là, effectivement, on va les attendre beaucoup plus. Ouais, d'accord. En tout cas, bah, écoutez, merci messieurs pour avoir débattu, en tout cas, sur cette équipe des Patriots et sur cette depth chart. Et nous, on va passer au pronostic de la saison. Donc après avoir fait la preview de cette équipe des Patriots, on va évoquer le bilan de cette saison régulière. Alors ma question est simple, messieurs, quel est pour vous le bilan des Patriots cette saison, pour le moment en saison régulière? Romain. Tu veux quoi, un record? Un nombre de victoires défaites? Tout à fait. Je dirais 10 ou 11 victoires. Donc 10-6 ou 11-5, je saurais pas bien dire. Je pense que on a un niveau similaire à celui de l'an dernier. C'est simplement les 4 matchs de suspension qui risquent d'être un petit peu difficiles pour nous. Avec notamment ce week-end à Arizona, où je pense qu'on y viendra tout à l'heure, je pense qu'on va souffrir un petit peu. Mais sinon, sur le reste de la saison, le calendrier est pas facile, mais je pense que Tom Brady connaît tellement bien cette attaque que je les vois pas faire moins de 10 victoires avec Brady dans l'équipe. Jean-Jacques, pour toi, cette saison? Ben moi, je suis encore un peu plus optimiste en fait, parce que moi, je prévois que deux défaites dans la Tu saison. crois donc que tu crois énormément en la ligne Uniquement deux. offensive, en toutes les lacunes qu'on a Voilà. pu évoquer en début d'émission? Je pense, bon, ça va se résoudre, mais je pense que ça va faire le job. Et je pense qu'on va faire, ouais, que uniquement deux Bah défaites. écoutez, déjà, bah, l'avis de nos auditeurs suite au sondage qu'on a lancé sur Twitter, c'est du 50-50 entre un bilan meilleur que la saison dernière et un bilan juste en dessous. Donc c'est extrêmement difficile de se prononcer, de savoir par rapport notamment à cause des 4 matchs de suspension de Tom, notamment à cause de certaines incertitudes. Moi, de mon côté, j'ai moyennement confiance en cette ligne offensive. J'ai vraiment moyennement confiance. Alors après, autant Andrew, je pense que c'est une bonne chose. Le reste, est-ce que ça va pourtant tenir? Je pense qu'on va faire la même saison que l'année dernière en termes de bilan, un 12-4. Mais ça se jouera sur certains matchs, sur certains détails qui potentiellement peuvent tourner entre faveur ou défaveur. Je pense qu'on verra beaucoup plus de matchs. Comme le match où on s'est fait sortir en playoff la saison dernière, par contre, en termes de défaite. Je pense que l'alarme sera beaucoup plus tôt. Donc, très vite. Oui, très très vite. Qu'on va se faire, bouger. Est-ce qu'on va s'adapter à ce niveau-là, donc. Je l'espère. Mais sinon, ça peut D'accord. vite être une saison un petit peu compliquée et nos attentes vite revues à la baisse. Donc ça peut être compliqué par rapport à la saison. Après, c'est, on verra bien ce qu'il en sera. Mais après, pour vous, messieurs, est-ce que les Patriots, par rapport à tout ce que vous avez vu du reste de la NFL, est-ce qu'ils peuvent aller loin cette saison et aller chercher le Graal ou c'est encore beaucoup trop compliqué cette saison? Non, on a toujours les moyens d'aller chercher le Graal chaque année. Après, moi, je trouve qu'en face, maintenant, il y a beaucoup moins de difficultés, c'est-à-dire du côté de notre ligue, en fait. C'est-à-dire qu'avec les Broncos qui vont se casser la gueule, je le sens, mais d'une violence, ça va être violent. Voilà. Et après, je ne vois pas qui va les remplacer, vu que c'est eux qui ont été au Super Bowl l'année dernière. Moi, je dis, on a les capacités, on a les possibilités, maintenant, il faudra voir. On verra bien. On verra bien en finale de conférence. Moi, je pense que c'est là où ça va se jouer, de toute façon. C'est où on va en finale de conférence ou on va au Super Bowl. Enfin, bon, moi, je vois bien les Steelers, comme si tu dois avoir une équipe qui est remplacée, je vois bien les Steelers. Après, ben voilà, je vais en parler tout à l'heure. Donc, après, voilà. On connaît tous la saison NFL, c'est assujetti aux blessures. Est-ce qu'on aura de la chance de ce côté-là pour que ça tourne en notre faveur ou en notre défaveur? Donc, il y a aussi ça énormément qu'on peut évidemment pas prédire, mais si on joue sur les potentiels. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tu me parles des Steelers, ben, c'est la. Tu vois, je t'ai dit que j'avais pronostiqué un 14-2, c'est-à-dire deux défaites. Les Steelers font partie d'une des deux défaites. Voilà. Quelle est l'autre défaite alors? Du coup, c'est intéressant. Arizona. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Donc, tu nous vois gagner contre les Hawks à domicile, contre les aux Broncos. Ouais. Les Jets, les Rams, on va gagner. Les Bengals à domicile aussi. Les Bengals, ouais. Ouais, ben, tu vois, c'est pas là où on va perdre, tu vois. Non, c'est pas là qu'on va perdre. Il y aura le retour de Brady, ça sera une hype, je pense qu'il va vouloir. Ça va être le match, tu vois. Mais les Steelers, je pense qu'on va se prendre une grosse claque. Ouais. Romain, ton avis un peu sur cette saison? Ça va remettre un petit peu en place l'équipe. Ouais, moi je reste sur mes. Ouais, donc 11 victoires, je pense que c'est raisonnable. Je pense qu'on va faire 2-2, je pense qu'on va faire 2-2 vraisemblablement sur les 4 matchs de suspension de Brady. Et après, je pense qu'on va, voilà, on va peut-être en lâcher un ou deux par-ci par-là, mais globalement, l'équipe va plutôt bien se présenter pour les playoffs. Après, je rejoins Jean-Jacques. Je pense que la conférence étant un petit peu plus faible que son homologue, je pense qu'on peut aller en finale de conférence. C'est assez raisonnable. Et en finale de conférence en playoffs, bah, tout peut arriver. Donc, effectivement, on peut tout à fait se retrouver au Super Bowl. Mais écoutez, puissiez-vous dire vrai? Nous, on suivra ça toute cette saison, on analysera ça chaque semaine et on espérera que les Patriots iront loin. Eh bien, nous, tout de suite, messieurs, on va parler du premier match de cette saison, le déplacement en Arizona face aux Cards. Cette première journée de la saison régulière en NFL, les Patriots se déplacent en Arizona affronter les Cardinals. Alors les Cardinals, on le sait, c'est Carson Palmer, c'est maintenant Chandler Jones, c'est un bon corps de running back, c'est Larry Fitzgerald en receveur, c'est une équipe très solide, aller se déplacer là-bas, ça va être extrêmement compliqué, donc nous on y va avec Jimmy Garoppolo en quarterback. Messieurs, votre pronostic pour ce premier match. Est-ce qu'on part à la déroute tout de suite ou est-ce qu'on a un espoir d'aller faire un résultat là-bas? C'était assez rigolo, Cédric, parce que quand t'as dit on y va avec Jimmy Garoppolo en quarterback, c'est comme si tu disais on y va en tong. C'était assez. On a senti que t'étais pas convaincu. Ah ben c'est sûr que vous me passez. C'est sûr que si on allait avec Tom Brady, on a un peu plus d'assurance. Jimmy Garoppolo, ça reste une grosse incertitude. On ne sait pas ce qu'il va donner en saison régulière. Surtout non, c'est vrai, c'est vrai. Surtout face à une défense comme Arizona, donc c'est sûr, c'est pas d'y aller en tank, c'est juste que c'est extrêmement incertain, et là pour le coup, si on sort avec une victoire, ça sera que du bonus, à mon avis. C'est vrai. Oh, quoi, oui. Alors, messieurs, comment voyez-vous ce match en Arizona? Romain. Difficile, je pense qu'effectivement la ligne va être mise à l'épreuve assez rapidement. Arians, c'est un coach qui, que ce soit offensivement ou défensivement, est très agressif dans son jeu. Le problème qu'ils avaient l'an dernier, la petite faiblesse qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas de rusher très très fort. On leur en a donné un, puisqu'on a fait le trade pour Chandler Jones. Donc je pense qu'avec un joueur comme ça, c'est peut-être la défense la plus complète, en tout cas sur le papier de la NFL, puisqu'ils ont Peterson qui est un des meilleurs corners, ils ont le Honey Badger qui revient de blessure, ils ont Chandler Jones, ils ont Dion Buchanan, ils ont Calais Campbell. Vraiment c'est pour le coup une équipe de stars cette fois-ci en défense. Donc je pense qu'on va vraiment être secoué, et moi pour un premier match je ne vois pas nous en sortir. Ouais, ben, c'est pareil pour moi, mais moi tu vois je le vois plus serré comme match. Ça va être un match très serré, un match défensif, c'est-à-dire que je vois pas leur attaque nous marcher dessus, je pense pas, mais par contre je vois pas notre attaque performer pour combler le retard qu'on va prendre en fait. Et non, c'est sûr qu'on va pas se faire exploser. Je vois pas un match genre à 40 points de différence, ce sera pas le cas. Mais non, mais pour moi, de toute façon, on gagnera pas. On va là-bas en perdant, hein. Ça c'est sûr pour moi. Je l'ai déjà annoncé, de toute façon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est une défaite. Pour moi, c'est sûr. Après, il faudra tirer des leçons de cette défaite et pas plonger, quoi. Mais ouais. Non, c'est sûr qu'on va là-bas et on. Pour moi, on perd. Ah, c'est sûr que comme premier match de la saison, c'est un match qui est extrêmement compliqué. Ils étaient passés en Arizona, comme tu l'as dit, Jean-Jacques, avec une très très grosse défense. Ça va être très compliqué d'aller gagner là-bas. On y va avec un quarterback quasiment rookie en termes de match de saison régulière. À voir. Ça va être très compliqué, c'est sûr. Ça va être un match effectivement défensif, parce que est-ce qu'après derrière les Carson Palmer et le running game va trouver leur rythme pour contourner notre défense, qu'il tente qu'elle trouve ses repères? Non, je pense pas. Peut-être est-ce que Logan Ryan va faire du Logan Ryan? C'est certain. Si on gagne, de toute façon, ça sera qu'une surprise. Et une bonne surprise, attention. Mais. Oui, évidemment. Évidemment. La défaite ne serait pas surprenante. Et ça serait pas maintenant, mauvais non plus. Parce que ça réveillerait. Ça dépend moment. Quelle défaite. Ouais, voilà, ça dépend quelle défaite, oui, c'est vrai. La défaite que je prévois moi, elle serait pas mauvaise. Elle serait frustrante. Non. Frustrant, mais ça serait pas mauvais. Voilà. Ça montre le niveau auquel on doit atteindre. Voilà, je pense. Ça permet à certains jeunes de se mettre tout de suite au bout. Je pense, ouais. Maintenant, si la défaite est trop lourde, ça peut faire mal à la tête. C'est clair. On verra bien ce que Jimmy va être attendu au tournant. Il va avoir la pression. Je pense aussi au coaching, à Josh McDaniel, surtout aussi de bien l'utiliser, d'appeler les bons jeux, de faire courir quand il le faut, de faire des passes, même très courtes d'un ou deux yards pour rassurer, juste pour avancer, même si on doit prendre à chaque fois trois tentatives et que on doit ralentir le game. Mais voilà, il faut prendre, je pense, son temps. Il va falloir que l'attaque des Patriots prenne son temps pour une fois. Il va pas faire jouer rapidement. Le problème, c'est que je pense pas que ça va être le cas, en fait. C'est ça le truc. On va vouloir jouer trop vite, trop vouloir. Et je pense qu'au déjà, on va avoir le ballon de suite. Parce que même si qu'on le gagne, ça serait bien parce qu'on va leur donner. Mais s'ils le gagnent, ils vont nous le donner aussi. Donc. Je pense qu'on va avoir le ballon et dessus. Puis, à ce moment, il faut qu'on fasse la course en tête et qu'on la garde jusqu'au bout. Mais ça va être un match très compliqué. Et je pense qu'on aura déjà quelques réponses déjà après ce premier match. Et on aura déjà des satisfactions et sûrement des motifs, ce qu'on n'espère pas, mais des motifs d'inquiétude aussi potentiellement. Messieurs, maintenant, il me reste à vous demander une chose d'abord. Quel va être votre score pour ce match? Romain. 23-14 Arizona. Eh ben, je suis pas très loin. Je l'avais écrit et j'ai écrit 24-17 Arizona. Moi, je la vois 27-12. Je pense qu'on marque même pas TD, on va marquer juste des field goals. On va manquer d'efficacité. C'est une défaite. C'est une défaite. Tu vois vraiment c'est une défaite. Autant. Un ouais, petit peu sévère. Pas trop, mais. Ouais. Je la vois un petit peu sévère ta défaite. Oui, parce oui. qu'on a quand même une grosse défense. Et leur attaque, c'est pas Papi Fitzgerald qui va nous en planter 3. C'est le problème, on aura des turnovers et. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai peur. On provoque pas Papi Fitzgerald parce que. Ouais, ouais. Moi, en playoff l'an dernier, je l'ai trouvé pas mal, Papi Fitzgerald. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, on verra. Ils ont des bons records de receveurs et tout, je pense que ça va. Ouais, ils ont 4 bons receveurs, je pense que là, de ce point de vue-là. Oui. Ça va être très compliqué. Ouais, on va avoir du boulot. Ah non, mais ouais. Là, on est à 3 défaites, c'est ça ? Il y a 3 pronostics de défaites. Donc. Après, un pronostic. Quand on voit le résultat de la saison dernière, c'est toujours compliqué, on sait jamais. Hein. Ça prouve qu'on est lucide, on n'est pas trop chauvin, tu vois. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Après. Je pense qu'on peut faire un classement de cette année de savoir qui sera le meilleur pour les pronostics, mais bon, déjà là. si on se plante, déjà on est mal parti. Ce n'est qu'un match, si tu fais qu'une seule défaite dans toute la saison NFL. Bah, j'en prévois 2, c'est pas mal quand même, c'est bien. Non, c'est pas mal. Ouais, on verra... Je suis optimiste. On verra bien le reste de la saison. En tout cas, merci messieurs de m'avoir assisté pour cette première. Moi, il vous reste à vous remercier. Merci Jean-Jacques, merci Romain. Bah de rien. Il me reste à vous dire, n'hésitez pas à suivre le Fan Club sur Facebook, sur Twitter, @FCFNEP. De venir commenter les matchs en direct sur le Facebook dans les commentaires, à réagir sur Twitter. Moi, il me reste à vous souhaiter un bon match, une bonne saison NFL aussi. Et n'oubliez pas, le Fan Club français du New England Patriots, partout, bonsoir. Toujours. Bonsoir.